La chronique de pêche de Claude Roy est une présentation de la pourvoirie du Lacoski. Pour une expérience en forêt à 200 km au nord du lac Saint-Jean, la pourvoirie du lac Oski vous offre une pêche réussie. Pour information sur nos différents forfaits, visitez le site internet au lac-oski.com. On va parler de pêche avec notre ami Claude Roy. Salut Claude! Bonjour. Claude, on va parler. Tu voulais parler des embarcations de moteurs aujourd'hui. Oui, ce qu'on va parler, c'est surtout de la longueur du pied des moteurs. Les gens, ils viennent en magasin puis ils nous posent des questions. Je voudrais acheter un moteur avec un pied long, un pied court. Premièrement, je dois vous dire que 95% des embarcations qu'on va retrouver, quand on parle de chaloupe, une chaloupe, c'est quelque chose qui n'a pas de volant. Du moment qu'on a un volant, ça s'appelle un bateau de pêche. Okay. Une chaloupe, ça n'a pas de volant. Donc, ça a un banc, puis on contrôle ce bateau-là par l'arrière. Puis là, je te dirais que 95% de ces embarcations-là ont ce qu'on appelle des pieds courts. C'est-à-dire que la distance du tableau arrière, la grande planche qui est en arrière, qui tient le moteur, ça, c'est fait pour avoir un moteur d'une longueur de 15 pouces, soit un pied court. Arrivez pas avec des galons en magasin pour dire « je viens mesurer le pied du moteur ». C'est pied court ou pied long. Pied long, on va vendre ça pour des gens qui ont des gros bateaux de pêche et qui vont être obligés, et qui veulent avoir un moteur auxiliaire. Donc, comme le tableau arrière est plus long, il va avoir même 22 pouces, à ce moment-là, on va se mettre un moteur à pied long. Les gens qui achètent des voiliers vont mettre des moteurs à pied long. Mais pour toutes les autres embarcations, c'est toujours des pieds courts. Donc, posez pas cette question-là. Habituellement, le vendeur va vous poser la question, qu'est-ce que vous avez, un bateau de pêche ou une chaloupe de pêche? Parce que les gens viennent ici et ils disent, moi j'ai un bateau. Ah oui, ben quelle grosseur? Un 14 pieds, ah bon, quel moteur, un 9.9. Non, non, c'est pas un bateau, c'est une chaloupe. Okay. T'as pas de volant après ça, c'est une chaloupe de pêche. Donc c'est important là, de vraiment faire la différence là, entre les deux. Quand il va venir le temps aussi de choisir, les gens disent, ah moi je veux avoir un deux temps. Il n'y a plus de deux temps depuis une douzaine d'années, à l'exception des moteurs Evinrude qu'on appelle E-Tech. Tous les autres moteurs sur le marché, c'est du quatre temps. Okay. Donc, il n'y a plus de deux temps. Puis, on roule les moteurs hors-bord. Tous les petits moteurs hors-bord, on roule ça avec l'essence suprême parce que ça va, le feu est meilleur. On va moins encrasser nos bougies. Puis, le moteur va avoir son plein rendement. Sinon, si on met de l'essence de qualité inférieure ou de la vieille essence de tondeuse l'année passée, là, vous allez vous ramasser avec des problèmes, donc il faut faire bien attention. OK. Évidemment, puis un moteur 4 temps, c'est plus économique pas mal aussi. Là. Ben, premièrement, c'est plus économique, ça fait plus de boucan, ça vibre plus, c'est hyper doux et ça trôle très, très, très tranquillement pour les gens qui font de la pêche à la traîne. Ils vont se rendre compte qu'un 4 temps, même dans les gros moteurs, moi je trôle le doré avec un 115 force, puis j'ai même pas de moteur auxiliaire. Puis je roule à 3 km/h, c'est vraiment des moteurs qui sont hyper performants puis très économiques au point de vue d'essence, puis zéro pollution. OK. Dis-moi, c'est-tu bon jusqu'à maintenant la pêche? Non, c'est pas bon, c'est encore trop froid. La semaine passée, j'étais dans le secteur des Grands Jardins, en s'en allant vers Chicoutimi, et il y avait encore des lacs qui n'étaient pas calés, des lacs qui étaient gris encore. Donc, il y a de la neige partout dans le bois, en montagne. Ceux qui sont allés à la pêche n'ont pas fait des pêches extraordinaires. Oui, ils ont ramassé quelques belles truites, mais ils n'ont pas été en mesure de faire ce qu'on appelle des limites. C'est pas alarmant. On est juste un peu en retard. Les éclosions vont venir un peu plus tard, mais la pêche va prendre... autrement dit, elle va être meilleure plus tard en saison, qu'habituellement, c'est ainsi l'année. Là, elle a déjà commencé à réchauffer, alors que cette année, elle n'a pas réchauffé du tout. Okay. Ben, Claude, on s'en parle vendredi prochain. Merci beaucoup, mon ami. Commentaire de Claude Roy sur la pêche.